À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti de travail de Corée, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté dans son page d'internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr.